السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. La semaine passée, nous avons parlé des délégations qui se sont rendues auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'année principale, l'année des différentes délégations, a eu lieu en l'an 9. En l'an 9. Mais avant cela, certaines délégations sont venues voir, étaient déjà venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres après l'an 9. Et d'autres après l'an 9. Et la semaine passée, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, nous avions mentionné Wafd Bani Sa'd ibn Bakr, également Wafd Thaqif. Aussi, nous avons mentionné Wafd Bani Abdil Qais et d'autres délégations, comme la délégation de Bani Hanifa, dans laquelle il y avait Musaylima al-Kadhab. Est-ce qu'on avait ajouté à cela? On s'arrêtait à ce point-là. Non. À la kulli hal, il y a le waf de Adi ibn Hatim. Wa kana min tay. Il y a le waf de Adi ibn Hatim. Wa kana min tay. Et son père était connu pour sa générosité, Hatim. Lorsqu'il a entendu la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, Adi ibn Hatim, a fui et il s'est sauvé chez les Romains. Il a fui et il s'est sauvé chez les Romains. Par la suite, il s'est dit à lui-même, لماذا الفرار؟ Pourquoi devrais-je me sauver? Je vais aller entendre ce qu'il a à dire. Je vais écouter de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce qu'il dit est la vérité, à ce moment-là, j'accepterai de lui et je le suivrai. Et si ce qu'il dit est faux, à ce moment-là, je le rejetterai. Lorsque il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à l'islam et il lui a dit « Aslim taslam, convertis-toi et tu obtiendras le salut » et il lui a répété cela, donc en tout, 3 fois. « Faqala, je suis sur ma religion. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Je suis plus savant que toi de ta religion. » Je suis plus savant que toi de ta religion. Puis il lui a mentionné quelle était sa religion. Et on l'appelle Ar-Rukusiyya. On l'appelle Ar-Rukusiyya. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a mis l'islam dans son cœur et il a embrassé l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également dans ce récit, le prophète alayhi salatu wassalam l'a informé de choses futures qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait révélées. Il y a parmi les wufud, parmi les délégations wafdu khawlan, ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 10 après l'Hégire. Wafdu khawlan قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم en l'an 10 durant le mois de Sha'ban. Ils étaient une dizaine ou bien 10. Ils sont venus le voir et ils lui ont dit qu'ils sont croyants et qu'ils sont venus de loin. Ils ont donc été questionnés par le prophète صلى الله عليه وسلم au sujet d'une idole, d'un sonam qui était adoré chez eux. Le prophète alayhi salatu wassalam les a questionnés. Et ce sanam était surnommé Ammu Anas. Puis ils ont répondu qu'Allah leur a remplacé par meilleur. C'est-à-dire qu'auparavant ils adoraient cette idole, désormais ils adorent Allah seul d'un culte sincère. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a donc enseigné, et eux-mêmes ont questionné le prophète alayhi salatu wassalam sur leur religion et ont demandé à apprendre du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a également donné certains biens, un peu d'argent, de la matière, puis ils sont revenus à leur peuple et les ont invités à l'islam et ont détruit cette fausse divinité. Après cela, il y a également Wafdou al-Ash'ariyin. Et eux sont venus après Khaybar. Wafdou al-Ash'ariyin, eux sont venus après Khaybar. Ils viennent du Yémen. Et il y avait avec eux Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, ainsi que ses deux frères. Un est surnommé Abu Burda, et l'autre Abu Ruhm, ou bien Rihm. Et ils étaient une cinquantaine. Ils ont pris la mer, et ils se sont retrouvés avec Ja'far ibn Abi Talib. Ils se sont retrouvés fil Habasha avec Ja'far ibn Abi Talib et ceux qui avaient fait la petite égire. Ils sont donc restés avec eux, radiallahu anhum, avant de rejoindre Al-Madinah. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ils n'ont pas trouvé le prophète alayhi salatu wassalam car il était à Khaybar. Ils l'ont donc rejoint à Khaybar, et le prophète alayhi salatu wassalam n'avait donné une part de Khaybar qu'aux gens de l'Hudaybiyyah, comme on l'a déjà expliqué. Exception faite de ces gens-là, Al-Ash'ariyyin. Le prophète alayhi salatu wassalam à eux et à Ashab al-Safina a donné une part de Al-Ghanima, comme cela est mentionné dans le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Après cela, on mentionne Wafdou Najran. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a mentionné cette délégation, comme dans le hadith de Hudhayfa radiallahu anhu. Il nous dit que deux hommes sont venus au prophète alayhi salatu wassalam. Al-Aqib wa al-Sayyid. Al-Sayyid, yani leur responsable. Et ces deux-là venaient de Najran. Ils étaient sur An-Nasara. Ils étaient sur la religion de An-Nasara. Donc, ce sont des surnoms. Le premier était appelé Abdul Masih. Naam, Abdul Masih. Subhanallah. Le musulman s'appelle Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Qudus, Abdul Quddus, Abdul Haq, Abdul Hakim, et ainsi de suite. Donc, At-Ta'bid, la yajuz illa lillah. On n'a pas le droit de s'appeler le serviteur de, puis mettre un autre nom qu'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du polythéisme. Et tu trouves que ce dernier s'appelait Abdul Masih. Al-Masih, c'est Isa ibn Maryam, Rasulullah, wa abdu, wa kalimatu alqaha ila Maryam. Al-Masih, c'est Isa ibn Maryam, le messager d'Allah et son serviteur. C'est comme ceux qui, au jour d'aujourd'hui, s'appellent Abdul Nabi. Ça, c'est interdit, c'est gravissime. Abdul Nabi. Non, tu n'as pas le droit de t'appeler ainsi. Celui qui a cette appellation, il a l'obligation de la changer. Car nous sommes les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre divinité, celui qu'on adore d'un culte sincère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au messager d'Allah, Muhammad, fahuwa abdullah, c'est le serviteur d'Allah, lui-même, wa rasuluh, et son messager. Fahuwa abdun la yu'bad, c'est un serviteur, on ne l'adore pas. wa rasulun la yukadhdhab, mais c'est un messager, on ne le dément pas, bel yuta'u wa yuttaba', mais on lui obéit et on le suit. Quoi qu'il en soit, ce dernier était le conseiller, na'am, était le conseiller du gouverneur. Ils sont venus donc voir le prophète alayhi salatu wa salam. Et les deux ont divergé. Ces deux hommes-là ont divergé. Car al-mubahala a été proposée. C'est une manière de jurer et d'appeler la malédiction sur soi-même si l'on ment. Et le mustachar, le conseiller, a dit la tafa'al, ne fais pas cela. فَوَاللَّهِ لَا إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ نُفْلِحَا. Car par Allah, si c'est véritablement un prophète, on ne réussira jamais. S'il invoque contre nous, na'am, on ne réussira jamais, ni nous, ni notre descendance après nous. Puis, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons te donner ce que tu demandes. On va te suivre. Mais, ib'ath lana rajulan aminan haqqal amin. Ils lui ont dit, mais envoie avec nous. Il dit, comme pour leur enseigner la religion et transmettre. Na'am. Et en tant que preuve, et hujja, envoie avec nous un homme digne de confiance, véritablement. Un homme digne de confiance, qui préserve le dépôt, na'am, qui ne trahit en aucun cas, envoie-le avec nous. Puis le prophète alayhi salat wa salam leur a dit, assurément j'enverrai avec vous un homme de chez nous qui est amin, haqqa amin. Na'am, qui est véritablement digne de confiance. Fastashrafa lahu al-qawm. À ce moment-là, sahaba, tous ont espéré être celui que le prophète alayhi salat wa salam allait désigner. Non pas pour prendre des responsabilités, ils s'en éloignaient, mais pour espérer entrer dans cette belle description, cette tazkiya du prophète alayhi salatu wassalam. Et cela nous rappelle quel hadith qu'on a déjà étudié, quelle partie d'histoire qu'on a déjà étudié, lorsque chacun espérait être celui-ci. Na'am. Pour l'étendard, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yuhibbu aw yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Akhaybar, le prophète sallam a dit, demain je donnerai l'étendard à un homme qu'Allah et son messager aiment, et cet homme-là aime Allah et son messager. Donc ils ont passé la nuit, chacun espérait être cet homme-là. Le lendemain, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aina Ali ibn Abi Talib. Où est Ali ibn Abi Talib? Et il souffrait d'un mal aux yeux. Cela nous rappelle ce moment-là. Et Omar al-Khattab avait même dit, je n'ai jamais espéré être le dirigeant ou le responsable si ce n'est ce jour-ci. Si ce n'est ce jour-ci. Donc ce jour-là, pareillement, les sahaba radiallahu anhum ont espéré être cet homme. Par la suite, le prophète alayhi salat wa salam a dit, Qum, lève-toi, ya, qui est cet homme, qui est surnommé Amin ou Hadil Ummah. Un des meilleurs parmi sahaba. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Na'am radiallahu anhu. Tous les sahaba sont umana, mais lui s'est distingué de par cette qualité. Na'am, mais lui s'est distingué de par cette qualité. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Qum ya Aba Ubaïda. Il a fait ses éloges en disant, Hada amin ou hadil umma. Na'am, l'homme de confiance de cette communauté. Et concernant les gens de Najran, c'est à leur sujet qu'a été révélé, قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم jusqu'à la fin du verset. Une autre délégation, Wafdu Muzayna. Wafdu Muzayna. Elles sont très nombreuses et beaucoup ont été rapportées sans chaîne de transmission avec une faiblesse. On en sélectionne certaines. Comme nous l'avons dit, ça n'est pas toute délégation qui est venue en l'an 9. Celle-ci, par exemple, Wafdu Muzayna, est venue en l'an 5 après l'Hégir, durant le mois de Rajab. En l'an 5 de l'Hégir, durant le mois de Rajab. Et ils étaient très nombreux. Ils étaient 400. Ils étaient environ 400. Et An-Nu'man ibn Muqrin nous mentionne que le prophète alayhi salatu wa salam leur a donné des ordres et ils lui ont demandé de leur donner des provisions. Elles étaient 400 et ils n'avaient pas beaucoup de provisions. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Omar ibn al-Khattab, lève-toi et donne-leur des provisions. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, je n'ai qu'un peu de date. Il a dit, je n'ai qu'un peu de date. En d'autres termes, comment est-ce que ça pourrait suffire alors qu'ils sont des centaines? Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, qum wa zawidhum. Il lui a dit, lève-toi et donne-leur. Il lui a dit, lève-toi et donne-leur. Alors, Omar ibn Khattab, radiallahu an, les a amenés. Naam. Et il y avait à leur tête, An-Nu'man ibn Muqrin, radiallahu an. Alors, il a donné, et les gens se sont succédés, ils sont entrés, les 400, ils sont rentrés, ils ont pris des dates et ils repartaient. Ils sont entrés, ils ont pris des dates et ils repartaient. Yani par petit groupe ou un par un. Et le dernier d'entre eux était leur chef, An-Nu'man ibn Muqrin, ou celui qui raconte le hadith. Il dit, subhanallah, qu'il était le dernier de ces 400 personnes. Et lorsqu'il s'est servi en dernier, ben il restait la même chose qu'au début. Na'am, wa hadhihi mu'jiza. Et ça, c'est un miracle qu'Allah azza wa jalla a donné. Na'am, et ça, c'est un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Il y a eu al-baraka. Il y a eu al-baraka. Et les savants ont divergé sur l'authenticité de ce texte. Il y a également wafdul himyariyin. Ces derniers viennent du Yémen. Himyar. Wafdul himyariyin min ahli al-Yaman. Eux sont venus en l'an 9. Ils sont venus en l'an 9 après l'Égypte. Et en se rendant près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rencontré Banu Tamim. Ils ont rencontré Banu Tamim. Comme dans le hadith d'Imran ibn Hussein radiallahu an, dans le recueil d'Imam al-Bukhari. Lorsqu'ils sont venus, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, qbalu al-bushra ya Bani Tamim. Recevez la bonne nouvelle, acceptez la bonne nouvelle, ô Banu Tamim. Ils ont répondu, ya Rasulallah, bashartana fa'atina. Tu nous as annoncé la bonne nouvelle que tu allais nous donner, donne-nous donc. Donne-nous alors. Fataghayyara wajhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le visage du prophète alayhi salatu wa sallam changea. Ou bien il leur a dit une fois, ils ont répondu ainsi. Il leur a redit une seconde fois, ils ont répondu ainsi. À chaque fois, ils répondaient de la sorte, alors le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé. Ça c'était Banu Tamim. C'est alors que Himyar, ou bien les al-Himyariyoun sont entrés. Ahlul Yaman. Ahlul Yaman sont entrés, c'est-à-dire les gens de Himyar. Alors le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit, iqbalu, acceptez al-bushra ya ahl al-Yaman. Ô vous les gens du Yaman, idh lam yaqbalha Banu Tamim. Vu que Banu Tamim ne l'a pas accepté, acceptez-la vous. قالوا قبلنا يا رسول الله. Immédiatement, ils ont dit, nous acceptons au messager d'Allah. Et sachez que certains parmi les savants, ici on voit le mérite des gens du Yémen. On voit le mérite des gens du Yémen. Sachez que certains savants ont réuni les ahadiths qui sont venus sur le mérite des gens du Yémen. Il y a plusieurs textes, plusieurs ahadiths qui montrent que parmi les meilleurs des personnes, na'am, les gens ayant le plus de qualité, les meilleurs comportements, la foi la plus ferme, le secours le plus fort pour l'islam, et ainsi de suite, sont les gens du Yémen. Na'am, sont les gens du Yémen. Asul Arab. Ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont dit « Di'naka linatafaqqaha fid din wa nas'alaka an awwali hadha al-amr ma kan » Ils lui ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Nous te sommes venus afin de nous instruire dans la religion. » Subhanallah. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Pourquoi est-ce qu'ils ont voyagé et se sont déplacés? Pour apprendre le din. فَالرِّحْلَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَصْلٌ وَسُنَّةٌ مَعْضِيَةٌ Le fait de voyager pour aller chercher la science, c'est une base dans notre religion. Et c'est une sunna très ancienne depuis l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Et on trouve même dans surat al-Kahf l'histoire de Moussa alayhi salam qui a voyagé à la recherche de l'Khadir pour faire talib al-ilm. Nous te sommes venus pour nous instruire dans la religion et te questionner sur la première affaire de cet ordre. Le début de la création et autres. Alors le prophète alayhi salatu wa salam leur a appris comment est-ce que ça a commencé tout cela. Nous voyons qu'il y a le ciel, il y a la terre, il y a le soleil, la lune. Nous avons une connaissance dans les textes du Kursi, du Arsh. Le prophète alayhi salatu wa salam a répondu à cette question. Kana Allah wa lam yakun shay'un qabla wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' thumma khalaqa as-samawati wal-ard wa kataba fi dhikri kull shay. Ça c'est une science azima. Le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit Allah était et il n'y avait rien avec lui. Allah était, il n'y avait rien avec lui. Na'am. Dans surat al-Hadid, wal awwal wal akhir. C'est le premier, c'est le dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier, il n'y avait rien avant lui. Subhanahu wa ta'ala. Kana Allah wa lam yakun shay'un qabla. Wa kana 'arshu 'ala al-ma. Et son trône était sur l'eau. Et son trône était sur l'eau. De cela on tire que le trône et l'eau sont parmi les premières créatures. Et dans d'autres hadiths, on tire que le trône c'est la première créature. C'est la première créature. Et il y a une divergence entre le qalam, la plume, et yani qui a écrit le destin de toutes choses, et le arche, le trône. Mais comme on a ce hadith là, on sait que le trône a été créé avant la plume. Et aussi au moment où Allah Azza wa Jalla a ordonné à la plume, le trône d'Allah Azza wa Jalla était déjà. Donc l'arche, c'est awwalul makhluqat. Le trône, c'est la première des créatures qu'Allah Azza wa Jalla a créées. Wallahu khaliqu kulli shay. Le trône, c'est saqful makhluqat. C'est le toit de la création. Wa athqaluha. C'est la créature la plus lourde. Na'am. C'est le toit de la création et c'est la créature la plus lourde. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Puis, dans le hadith, on nous dit avant ça, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma. Son trône était sur de l'eau, au-dessus de l'eau. Thumma khalaqa as-samawati wal-ard. Ensuite, il a créé les cieux et la terre. Donc les cieux et la terre ont été créés après la création du trône. Wa kataba fi dhikr kull shay. Il a écrit et tout a été écrit. Allez, la prédestination. La prédestination. Tout cela a été écrit sur des tablettes qu'on appelle, sur des feuilles qu'on appelle al-lawh al-mahfouz. Al-lawh, ça veut dire les tablettes, ou bien, comment est-ce qu'on va dire en français? Na'am. Vous voyez ce sur quoi on écrit avec les craies, le tableau avec lequel on écrit dessus avec des craies. Vous voyez? Allez, les tableaux à l'ancienne. Lorsqu'on était en primaire, il y avait ce tableau-là. Na'am. En arabe, on dit al-lawh. On appelle cela al-lawh. Al-mahfouz, préservé. Allah Azza wa Jalla a créé la plume et lui a ordonné d'écrire. La plume a dit, que dois-je donc écrire? Allah lui a dit, tout ce qui sera jusqu'à Al-Qiyam. C'est la prédestination. Hein? C'est la prédestination. Tout a été écrit jusqu'à Al-Qiyam. Jusqu'à Al-Qiyam. Donc le arche, on tire de cela que l'arche est la première des créatures. Et il est à savoir que fait partie de la croyance qui a dans le Coran et la Sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus du arche. Quelle est la créature la plus haute? Dites-moi. C'est l'arche. Et Allah Azzawajal est élevé au-dessus du arche. Yani en dehors de la création, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala l'arche istawa. Ar-Rahmanu ala l'arche istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Naam. Istawa en arabe, ça a quatre sens. Ala wartafa, les sens de l'élévation. Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus du arsh. وهذه صفة فعلية, c'est un attribut d'action qu'Allah Azza wa Jal a choisi, a voulu faire après avoir créé les cieux et la terre. Naam. Après avoir créé les cieux et la terre. Dans الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Votre Seigneur est Allah, il, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Puis il s'est élevé au-dessus du arche. Le fait qu'on dise puis, c'est la preuve que c'est un attribut d'action qu'Allah Azza wa Jalla a voulu faire et a choisi de faire après avoir créé les cieux et la terre. Après avoir créé les cieux et la terre. Et dans cet endroit du Coran, il y a la mention de cela. Dans cet endroit du Coran, il y a la mention de cela. فَإِذَا قِيلَ لَكْ أَيْنَ رَبُّكْ أَيْنَ اللَّهِ. Donc si on te demande où est Allah, فَقُلْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Et répond, élevé au-dessus du trône. Élevé au-dessus du trône. هَذِي عَقِيدَةُ الْمُسْلِمِينَ. Ça c'est la croyance authentique qu'il y a dans le Coran. Naam, qu'il y a dans le Coran. Un jour, une femme est venue, où le Prophète a questionné une femme, il lui a dit, Aïn Allah, où est Allah? Qalat fi sama. Elle a répondu, dans l'élévation, ou bien au-dessus des cieux. Thumma qala Allah, wa man ana? Qui suis-je? Elle lui a dit, anta rasulullah. Tu es le messager d'Allah. Il a dit, i'tiqha fa innaha mu'mina. Il lui a dit, affranchis-la, car certes, c'est une croyante. Car certes, c'est une croyante. Donc ça, c'est une croyance ferme. Allah Azza wa Jal, fil ulu, il est dans l'élévation. Ça, yani al-ulu, sifatun dhatiyya, c'est un attribut d'essence d'Allah Azza wa Jal. Wal istiwa, sifatun fi'liyya, c'est un attribut d'action d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il a choisi de faire après avoir créé les cieux et la terre. Imran ibn Hussein qui nous raconte ce hadith, naam, pour lui c'était une science immense, il était heureux de cela. Il a pris le début de cette affaire. Puis un homme est venu le voir et lui a dit, Imran, ta chamelle s'est sauvée, ou ton chameau s'est sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il est parti à sa recherche. Il l'a attrapé. À la fin, vous savez ce qu'il a dit, Imran ibn Hussein? Il a dit, j'aurais tant aimé ne pas être sorti. Pourquoi? Yani pour prendre encore de la science du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour prendre encore de la science du prophète, sallallahu alayhi wasallam, à l'image d'une personne qui vient qui assiste au cours. Naam, puis c'est l'heure d'aller au travail. Il se lève et il part. Naam, et il entend de la science, ça lui plaît. Mais il doit partir au travail ou bien il a une urgence. On mentionne ensuite Wafdu Bani Amir. Wafdu Bani Amir. Et cela est mentionné dans le recueil de Bukhari. Anas ibn Anas, naam, radiallahu anhu, nous mentionne ce hadith, il est dans le Bukhari. Il nous dit que Amir ibn Tufayl, et Amir ibn Tufayl, il faut savoir que c'était Ra'su al-Mushrikin, c'était le dirigeant des associateurs. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et écouter le comportement et les paroles déplacées qu'il a adressées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le plus élevé par Allah azza wa jalla, le plus anobli. Ukhayyiruka bayna khisalin thalath. Il lui a dit, je vais te donner le choix entre trois choses. Naam, je vais te donner le choix entre trois choses. Premièrement, on va se partager cette affaire. Certains vont prendre les gens des campagnes et d'autres vont prendre les autres. Naam, ceux qui habitent dans les maisons de terre, allez, on va se partager cette affaire. Toi, tu vas gérer une partie, moi, je vais gérer une partie. Ahl al-Sahl et Ahl al-Madar. Deuxième mada, éventualité, proposition, tu me donnes le califat après toi. Je serai ton successeur. Naam, je te suis à condition d'être ton successeur après toi. Ça vous rappelle la parole de qui ça? Naam, Musaylima. Faut dire Musaylima tout le kadhab. Hein, le menteur, ça va le suivre. Tant qu'il y aura des croyants en vie, ça va le suivre. Celui qui ment, naam, c'est un emblème ou bien c'est un étendard qui reste accroché à lui s'il se repent pas après. Toute sa vie et après sa mort, il sera connu comme étant le menteur. Wal'iyadu billah. Donc, an akuna khalifataka ba'dak. La deuxième proposition, d'être ton successeur, ton calife, après toi. Savez-vous la troisième proposition? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le cas contraire, je vais lever une armée de 1000 hommes plus 1000 hommes et je vais te combattre. Naam, je vais lever une armée de 1000 cavaliers et encore 1000 hommes et je vais te combattre. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait dua contre lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait dua contre lui. Que lui est-il arrivé? Fa asabahu ta'un. Naam, fa tu'in. Fa tu'in. Qu'est-ce que ça veut dire fa tu'in? Fatou'in, ça a deux sens. Tou'in, c'est se faire planter avec un couteau. Mais ici, c'est pas ce qui est voulu. C'est asabahu ta'oun. Et ta'oun, c'est la peste. Naam. Ta'oun, c'est la maladie de la peste. Il est rentré chez une femme ou chez son épouse. Et il a dit, je vais mourir ici comme un chameau qui a telle maladie. Naam. Comme un chameau qui a telle maladie. Puis il a dit, amenez-moi ma monture. Il lui a amené son cheval, il est monté dessus, il a avancé, il est mort. Comme ça, humilié. Sur le shirk. Naam, il est décédé sur le shirk. Regardez la finalité de celui qui manque de respect au prophète alayhi salatu wassalam. Ne pensez pas que ça, c'est que du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est même après sa mort. Celui qui respecte pas Janab al-Nabi sallallahu alayhi wassalam. Celui qui ne considère pas le message d'Allah sallallahu alayhi wassalam. Allah nous dit dans le Coran, inna shani'aka wal abtar. Inna mubghidhak wal abtar. Maqtou' an kulli khayr. Celui qui a de l'inimitié envers toi, il sera brisé de tout bien. Il sera brisé de tout bien. Et ça, on l'a vu. À notre époque, avant notre époque, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, tabbat yada abi lahabim wa tab. Les détracteurs du prophète alayhi salatu wassalam, s'ils ne reviennent pas à Allah, ils ont une très mauvaise fin à l'image de cet homme, Amir ibn Tufayl. Naam, barakallahu fikum. Il ne faut pas confondre entre lui qui était Ra'sun min Rousil Mushrikin et Amir ibn Tufayl al-Sahabi. Et Amir ibn Tufayl al-Sahabi radiallahu anhu. Ensuite, on passe à une autre délégation, Wafdu Daous. Wafdu Daous. Parmi eux, il y avait At-Tufayl ibn Amr. Il y avait Tufayl ibn Amr. Sa mention a été faite dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui a dit, ya Rasulallah, hal laka fi husnin hasin, est-ce que tu veux venir chez nous pour qu'on te protège dans une forteresse? Naam, et ils avaient cela dans leur pays. Et qu'on t'accorde, yani protection, al-mana'a. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a refusé. Allah, azza wa jal, avait décrété que cela allait être, mada, la noblesse des Ansars. Yani, c'est ce rôle-là, allait être le rôle qui allait anoblir pour toujours les Ansars, radiallahu anhum. Le prophète, alayhi salam, a fait l'égir à al-Madinah. Et Tufayl ibn Amr lui-même, accompagné d'un autre homme, eux aussi ont fait l'égir ensuite à Al-Madina. Ils sont restés auprès du prophète alayhi salatu wassalam, comme on le comprend de l'histoire, ils ont embrassé l'islam avant ça. Et ils sont repartis appelés leur peuple à l'islam, Daous. Mais ils ont refusé d'embrasser l'islam. Alors ils sont revenus voir le prophète alayhi salatu wassalam, comme c'est dans le recueil de l'imam al-Bukhari, le hadith de Abi Hurayra. Ils ont dit, Ya Rasulallah, inna dawsan asat. Dans la version de l'imam muslim, inna dawsan kafarat. Donc ils sont venus, ils ont dit, ô messager d'Allah, inna dawsan asat wa abat. Certes, Daous a désobéi, ils ont refusé d'embrasser l'islam. Naam, fad'u Allah alayha. Invoque donc Allah contre eux. Naam, dans l'autre version, certes Daous a mécru. Savez-vous ce qu'a répondu le prophète alayhi salat wa salam, celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les montes? Il a répondu, Allahumma hdi Daousan wa'ti bihim. Oh Allah, guide Daous et fais-le venir. Oh Allah, guide Daous et fais-le venir. Cela vous rappelle quel passage de Sira? La demande et la réponse. Cela vous rappelle quel passage de Sira? Taif. Lorsqu'ils ont dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites dua contre Taif. Contre Ahl Taif, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma hdi Ahl Taif. Oh Allah, guide les gens de Taif. Plus tard, ils sont venus, ils se sont convertis à l'islam. Ici, on voit la miséricorde du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il n'a pas été envoyé pour détruire, mais pour, en tant que guidé, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, et tu n'as été envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Ibn Ishaq, rahimahullahu ta'ala, le grand historien, a mentionné cette histoire bien plus en détail, mais sans chaîne de transmission. On y mentionne que At-Tufayl ibn Amr, en effet, est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais avant ça, il est parti à Mecca. Et les gens de Mecca l'ont mis en garde contre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wassalam. Ils lui ont dit surtout, attention, il est mauvais. Il a des ambiguïtés très dangereuses. Ne l'écoute pas. À un point tel qu'il fut dit que lorsqu'il est parti, il a mis du coton dans ses oreilles. Pour pas être sujet aux ambiguïtés. Naam. Pour ne pas être sujet aux ambiguïtés. Donc ils l'ont mis en garde et lui était donc sur ses gardes et prédisposé à ne pas écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Il a pris toutes ses précautions pour. Mais un jour Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il entende involontairement les paroles du prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il récitait le Coran. Alors qu'il récitait le Coran. Et cet homme-là, At-Tufayl ibn Amr, il était très intelligent, il avait de la science, et c'était un poète. Il était très cultivé, kana labiban, sha'iran, et ainsi de suite. Donc, il a entendu malgré lui les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça lui a beaucoup plu. Alors il a adhéré par la suite au message de l'islam. Il est revenu, na'am, il s'est converti à l'islam. Ensuite, il est revenu dans son peuple. Il les a invités à l'islam et ses parents furent les premiers à accepter l'islam. Et Allah Azza wa Jal lui a accordé une karama. Il lui a accordé un miracle. C'est qu'en chemin avec lui, il avait un bâton. Naam, et Allah Azza wa Jal a fait qu'il y ait une lumière à la tête de ce bâton, au bout du bâton. Naam, ce fut un miracle qu'Allah Azza wa Jal lui accorda. Après Khaybar, il est revenu au prophète alayhi salatu wassalam, mais cette fois-ci avec 70 hommes. Avec 70 hommes qui avaient embrassé l'islam. Ibn Ishaq a détaillé ainsi cette histoire, wallahu a'lam. On mentionne ensuite l'histoire de Wafd Ka'b ibn al-Harith. La délégation de Ka'b ibn al-Harith, et lui, il venait également de Najran. Il venait de Najran. Ces derniers se sont convertis à l'islam. Dans quelles conditions le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé Khalid ibn al-Walid? Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. En l'an 10 après l'Hijr, durant le mois de Jumad al-Ula, durant le mois de Jumad al-Oula, en l'an 10 après l'Hégire. Khalid ibn Walid leur est venu et les a invités à l'islam. Il leur a proposé l'islam. Et ils ont accepté l'islam et ils se sont convertis. Alors Khalid ibn Walid radiallahu anhu a écrit min bismillahi ar-Rahman ar-Rahim min Khalid ibn Walid ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a annoncé la bonne nouvelle. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a répondu bismillahi ar-Rahman ar-Rahim min Muhammad ar-Rasulillah ahmadullah ilayk, ainsi de suite. Et il lui a donné des recommandations. Et il lui a dit de revenir à Médine et de venir avec le peuple de Ka'b ibn al-Harith. D'accord, Khalid, reviens-toi et viens avec eux qui ont embrassé l'islam. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam les a vus, ils ressemblaient à des Indiens. Naam, ils ressemblaient à des Indiens. Allez, dans leur apparence. Et il les a questionnés sur leur état avant l'islam. Et parmi les questions, il leur a dit, comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il y avait un différent entre vous et un peuple, c'est vous qui remportiez le combat. À chaque fois qu'il y avait une guerre entre ce peuple-là et un autre, c'est eux qui gagnaient le combat et la guerre. Alors ils ont répondu, كُنَّا نَجْتَمِعَ وَلَا نَفْتَرِقَ. On s'unissait tout le temps et on se divisait jamais. Subhanallah. On s'unissait tout le temps et on se divisait jamais. Ça c'est la première chose. Écoutez la deuxième chose et notez-la. وَلَا نَبْتَدِئُ أَحَدًا بِالظُّلْمِ. On n'opprimait jamais une personne en premier. On commençait jamais les hostilités. Naam. Celui qui fait du zulm, même si c'est le meilleur, naam, et qui glisse dans le zulm, parce que l'homme n'est pas infaillible, n'est-ce pas? Sauf certains minroulat soufiya et autres. Sinon, on sait très bien que l'homme n'est pas infaillible après le prophète alayhi salatu wassalam. Ben, celui qui fait du zulm, naam, il se met à la merci de son ennemi. Même si son ennemi n'est pas un musulman. Il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu n'opprimes pas, sache qu'Allah azza wa jal te secourra et te défendra et ton haqq, il est préservé chez Allah. Yani, tôt ou tard. Dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Rien ne se perd. Et parmi l'aqidah de l'ahli sunnati wal jama'a, aqidah tous les muslimines, al-imanu bil qadar. La foi au destin. Et la foi au destin repose sur trois principes. Le premier, c'est l'iman bil ba'th, la résurrection. Le deuxième, c'est l'hisab, c'est le jugement. C'est le jugement. Et le troisième, c'est la finalité de chacun au paradis ou en enfer. Nas'Allah azza wa jal al-jannah wa nu'udhu bihi min an-nar. Donc, il... Pardon, la foi au jour la foi au destin, ça rentre dedans. Mais ce que je voulais dire est la foi au... jour dernier. La foi au jour dernier. L'iman bil yawm al-akhir. Donc, ils ont dit, on ne commençait jamais les hostilités, on n'était jamais injustes. Nous n'étions jamais injustes. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, sadaqtum. Vous avez dit vrai. Donc ça, c'est une leçon. Ne jamais faire du zulm. Ne jamais opprimer les gens. Même si tu les vois plus faibles que toi, sache que leur Seigneur, il est fort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, malgré sa toute puissance, et le fait qu'il fasse ce qu'il veut, ben il s'est interdit à lui-même l'injustice, comme c'est venu dans le hadith. Naam. Yabna Adam, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altu baynakum muharrama, fala tazalam. Au fils de Adam, je me suis interdit à moi-même l'injustice, et je l'ai rendu entre vous interdite. Alors ne vous opprimez pas les uns les autres. Et dans le Coran, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur n'opprime personne. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit الظلم ظلمات يوم القيامة. L'injustice sera les ténèbres le jour de la résurrection. Donc on doit faire attention au zulm. On doit faire attention à l'injustice qu'Allah Azza wa Jal défend ses faibles opprimés contre ceux qui se voient forts et qui oppriment. Wallahu al-musta'an. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Amr ibn Hazm. Il a envoyé Amr ibn Hazm à Bani al-Harith. Naam, pour leur enseigner l'islam, pour leur transmettre, et il a envoyé avec lui un écrit qui est célèbre. Naam, il a envoyé avec lui un écrit qui est célèbre et qui renfermait des règles religieuses. Et cela est rapporté par l'imam al-Nasa'i, rahimahullahu ta'ala. Il est très célèbre à un point, Ibn Abdilbar, rahimahullahu ta'ala, bien qu'il y ait une divergence sur l'authenticité, nous dit qu'il est tellement célèbre et répandu, naam, et connu chez les gens de science, qu'en gros, on ne revient même plus à son sanad. On revient même plus à sa chaîne de transmission de par son caractère très répandu et connu. L'imam al-Shafi'i aussi l'acceptait. Et il disait même que c'est connu chez Sahaba. Cet écrit était connu chez As-Sahaba. Donc beaucoup parmi les gens de science l'ont accepté. Ce même écrit a été envoyé au roi de Himyar, au dirigeant de Himyar. Et ces derniers se sont convertis à l'islam. Il y avait Al-Harith ibn Abdi Kulab, il y avait Nu'aym ibn Abdi Kulab, et un troisième, dont j'ignore le nom. Après cela, on mentionne Wafd Bani Juzam. Parmi eux, il y avait Rifa'a ibn Zayd al-Juzami. Rifa'a ibn Zayd al-Juzami. Ce dernier s'est converti à l'islam et il a offert des choses au prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a donc écrit des choses. Quand on dit le prophète alayhi salatu wa salam lui a écrit, kataba lahu rasulullah, est-ce que le prophète salam savait lire et écrire? Est-ce qu'il était lettré ou pas? Est-ce qu'il savait lire et savait écrire ou pas? Non, al-nabiyul ummi. Allah dans le Coran nous dit le prophète illettré. Naam, le prophète illettré. Il ne savait pas écrire, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne savait pas lire ce qui était écrit. Donc ce qui est voulu à chaque fois qu'on nous dit, kataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'on annexe l'action à celui qui l'a commandité, celui qui l'a ordonné. D'accord? Donc c'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a ordonné à ce qu'on écrive. Donc c'est pour ça que ça lui était affilié, annexé plutôt. Non pas que lui écrivait, mais c'est lui qui dictait ce qu'il fallait écrire, comme il a déjà dicté à Ali ibn Abi Talib, Naam, Abu Sufyan et d'autres, parmi ceux qui avaient la science de l'écriture. Ala kulli hal, ils ont embrassé l'islam, eux, ainsi que des gens de leur peuple. Et cela a eu lieu avant Khaybar. Et cela a eu lieu avant Khaybar. Ça a été mentionné avec des faiblesses dans la chaîne de transmission, si ce n'est que cela a une base dans le recueil de Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, Wafdu Bani Al-Muntafiq. Ensuite, on mentionne, et ça n'est pas chronologique, Wafd Bani Al-Muntafiq. Il y a parmi eux un sahabi qui est Laqit ibn Amir. Laqit ibn Amir. Ou bien Laqit ibn Sabira. Laqit ibn Sabira. Parce qu'il y a plusieurs versions. Naam. Et la première a été rendue faible par certains savants. Naam. Et il y a plusieurs versions. C'est pour cela que certains disent que ça, c'est le wafd, c'est la délégation avec à la tête de cette délégation de Bani Muntafiq, Laqit ibn Amir. D'autres disent non, à la tête, c'était Laqit ibn Sabira. Et c'est rapporté dans le recueil d'Abu Daoud de At-Tirmidhi. Il y a également le wafd de Farwa ibn Amr al-Juzami. Al-Juzami. Il est venu voir le prophète alayhi salat wa salam, l'a questionné sur certaines choses, et parmi ces questions, il a dit au messager d'Allah, Akhbirni an Saba. Informez-moi de Saba. Est-ce que c'était une montagne ou bien est-ce que c'était un wadi, une vallée? Al-wadi c'est la plaine entre deux montagnes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Bel rajulun, il lui a dit non. Bel rajulun min al-arab. Mais c'était un homme parmi les arabes qui a eu 10 enfants. Fatayamana. Sitta wa tasha'ama arba'a. Que veut dire tayamana sitta? 6 d'entre eux tayaman et 4 d'entre eux tasha'am. Que veut dire cela? Non. Que veut dire ça, Jibril? Certains ont été optimistes, d'autres pessimistes? Non. من عنده علم بهذا؟ نعم. تياما استقروا في اليمن. تشاءم استقروا في الشام. تياما, ça veut dire ils ont établi résidence au Yémen. وتشاءم, ils ont établi résidence au Sham. 6 d'entre eux ont établi résidence au Yémen. C'est l'Azd, l'Ash'ariyoun, Himyar, Kinda, Madhij et les autres, l'Akhmoun, Judham, Amila, Ghassam, et cela est apporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Wafdu Kinda, il y a également la délégation de Kinda avec eux. Il y avait Mada, un groupe, ils sont venus de Kinda. Et il y avait avec eux leur roi ou bien leur, comment on va dire, leur chef, Naam, qui était appelé Al-Ash'ath ibn Qais. Al-Ash'ath ibn Qais. Et ça c'est un laqab, ça c'est un surnom. Ça, c'est un surnom. Ce dernier s'est converti à l'islam. Ce dernier a accepté et s'est converti à l'islam. Il est répandu qu'il est sorti de l'islam après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Si ce n'est qu'à l'époque de Abu Bakr, il s'est repenti et est revenu à sa religion. Il s'est repenti et est revenu à sa religion. Et cette qissa est une base dans lequel l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala. Pour finir un point particulier, c'est que il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je viens d'un peuple qui ne me considère pas comme étant le meilleur, yani en noblesse, en lien de parents, en généalogie. Puis il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses origines. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu remontes à une telle, yani une femme de chez eux, yani leur origine à eux, la même lignée que la leur? Fatabassam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Naam, il a souri. Et il a dit, Nahnu min Mudar ibn Kinana. Il a dit, nous sommes de Mudar ibn Kinana. Wala nakfu ummahatina ou ummana. Naam, et on ne renie pas le côté de la mer. On ne rejette pas le côté de la mer. Wala nantafi min abaina. Mais on ne peut pas ne pas se réclamer de nos pères. Yani ici, il y a une grande leçon, une grande science. C'est quoi? C'est que la lignée, elle est prise de quel côté? Hein? Du père. La lignée de la personne, sa généalogie, elle est elle est prise du père. Et de là, tu t'étonnes lorsqu'une personne est questionnée sur son origine, elle répond par exemple, je suis moitié kada, moitié kada. Certains vont plus loin, disent moitié kada, un quart kada, un quart kada. Naam. Subhanallah. Ton origine, c'est l'origine de ton père. Et le Prophète nous a menacé. Le Prophète a menacé ceux qui ne se réclament pas de leur père et se réclament d'une autre personne. Naam. C'est une chose gravissime d'altérer la généalogie et de ne pas s'affilier au père. De ne pas s'affilier au père. Et de là, on voit la gravité du péché de zina, de la fornication, parce que ça brouille et ça altère et ça corrompt la généalogie des gens. La généalogie et l'arbre généalogique des gens. À la kulli hal, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a informé que la généalogie est prise du père. Naam, et qu'il faut s'affilier au père, au nom de famille du père. Et parmi les erreurs commises et répandues, c'est lors du mariage. Lorsque la femme prend le nom du mari. Ça, c'est une erreur. Naam, et Cheikh Salah Fawzan a été questionné sur cela, il a dit, c'est une erreur manifeste. Et ça n'est pas permis. Pourquoi? Parce que sinon elle va modifier, altérer son nasab, sa filiation. Naam. Elle reste affiliée à son père. Elle peut mettre quoi au maximum? Mathalan, elle peut dire une telle, puis elle met son nom, c'est le nom de son père bien évidemment, épouse de un tel. Épouse de un tel. Ça, il n'y a pas de mal, ça va de soi. Mais elle ne change pas son nom pour prendre le nom de son époux. Et il n'y a pas de honte à ne pas le faire. Elle est tout autant mariée et connue chez Allah Azza wa Jal comme étant dans un mariage légitime. Non, mais ça n'est pas en modifiant le nom de famille qu'elle obtiendra noblesse et considération. Non, elle est affiliée à son père, elle reste affiliée à son père jusqu'à sa mort. Puis les enfants qu'elle aura avec son époux, ils vont être affiliés au père parce que ça va du côté, naam, du père. C'est pour cela que les Kuffar Quraysh, par exemple, ont insulté quand ils insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient lui faire du mal. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, da'u Muhammadan fa innahu abtar. Laissez Muhammad de toute façon, il sera coupé de toute descendance. Pourquoi? Parce que ces garçons sont décédés en bas âge. N'est-ce pas? Al-Qasim, décédé en bas âge. Abdullah, il est décédé en bas âge. Ibrahim, il est décédé en bas âge. Ils sont décédés aux alentours d'un an et demi. Du fait qu'il n'y ait que des filles, naam, et quelles filles, subhanallah, radiallahu anhu, les meilleures, il ne va pas y avoir après d'elles d'enfants qui vont porter le nom comme le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sah? Barakallahu fikum. À la kulli hal, ça, il faut tashal mafahim dans cette chose-là. Parce que on entend beaucoup de gens débattre sur ça. La généalogie, elle remonte au père. Tout simplement. Naam. Ajoutez même à cela que si un homme, qu'Allah nous en préserve, commerce avec une femme dans le haram, dans l'illicite, puis que cette dernière tombe enceinte et qu'elle enfante, du fait qu'ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas acté un mariage légitime, à ce moment-là, l'enfant, il suit la mère. L'enfant, il suit la mère, il ne porte pas le nom du père, il n'hérite pas du père, il n'y a pas de lien avec le père. Le père n'a pas de droit sur cet enfant-là. Naam. On dira, c'est le fils de une telle. Naam. Et si on demande sur son père, on dira Ibn Abdillah, pour couvrir la femme, par exemple. Le fils de Abdullah. Naam. Pour préserver l'enfant, pour défendre, yani préserver son honneur, après repentir, par exemple. Wallahu al-musta'an. Et chez les Arabes, c'était même insultant lorsqu'on mentionnait la généalogie de la mère. Quand ils voulaient insulter une personne, ils disaient le fils, et ensuite ils allaient du côté de la mère. Le fils de une telle. Puis ils citaient la généalogie du côté de la mère. Hada huwa, walhamdulillahi rabbil alameen. On passera, inshallah, ensuite au hajj de Abu Bakr al-Siddiq. Naam, le pèlerinage de Abu Bakr al-Siddiq, accompagné des musulmans. Et seulement après, il y a eu le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite la fin, comme la plupart des choses ont une fin, pas toutes choses, mais la plupart des choses ont une fin, il restera à la fin, inshallah ta'ala. Puis on verra si pendant Ramadan, Allah Azza wa Jal nous facilite le fait de conclure la sirah. Il reste, on peut dire, trois événements majeurs. Soit on le finira dans les premiers jours de Ramadan, soit pendant Ramadan on prendra d'autres sujets relatifs aux jeûnes. Et après Ramadan on finira, inshallah ta'ala. Un rappel, nous sommes aux portes du mois le plus béni de l'année. Ash-shahr at-tasi' ala huwa shahr Ramadan. Nous sommes aux portes du meilleur mois de l'année, du mois le plus béni de l'année. La différence qu'il y a entre ce mois et les autres jours de l'année, et les autres mois de l'année, pardon, certains savants disaient, c'est comme la différence qu'il y a entre Youssouf alayhi salam et ses autres frères. Et c'est ses autres frères. Et toute personne qui a connaissance d'un noble invité, d'un invité de marque, il se prépare à l'accueillir. On a déjà vu des gens nobles, pauvres, aller même faire des crédits, subhanallah, pour accueillir leurs invités. Pour accueillir leurs invités, ils s'endettaient dans les commerces. Subhanallah. Ils s'endettaient dans les commerces. Parce que le Prophète a dit, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. C'est qui l'invité? C'est celui qui est en voyage et qui s'arrête chez toi ou bien que tu invites. On ne parle pas du visiteur. Al-Zahir, c'est une chose, mais là, c'est Al-Daif, c'est celui qui voyage et que tu accueilles. Naam, celui qui voyage et toi, tu lui accordes hospitalité. Et là, on a le meilleur des invités. Le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal nous dit Ayyam ma'adoudat. Ce sont des jours déterminés. Et ici, on attire notre attention sur le fait qu'il va venir rapidement et va partir rapidement. Donc, il faut faire des efforts. Quand les commerçants entendent qu'il y a des soldes, qu'il y a un moment particulier où on va beaucoup vendre, où les gens vont beaucoup acheter, ils se préparent des mois en avance. Ils voyagent même pour prendre de la marchandise à bon marché et venir la revendre. Ils gardent même de la marchandise pour la vendre spécialement ce moment-là. Ben nous, on a un commerce à faire. Tijaratun ma'allah. Un commerce avec Allah Azza wa Jal. Un commerce où il n'y a pas de perdant. Un commerce où il n'y a pas de perte. Un commerce où il y a une garantie. Un commerce où tu ne peux pas perdre ta marchandise. Un commerce où tu ne peux pas te faire voler. Un commerce où quand tu as l'intention de faire, on te donne une récompense entière, même si tu ne la fais pas. Un commerce où si tu fais, on te donne une récompense, on te la multiplie par 10. Jusqu'à 700 fois, jusqu'à te décupler ça. Naam. Ça c'est le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un commerce où le chargé, ou bien on va dire, le délégué, celui qui vient contracter cela, celui qui t'a été envoyé pour contracter ça, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un commerce où celui qui va te donner la récompense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Ça c'est la meilleure tijara. Ça c'est la meilleure tijara. Et la personne, elle se prépare pour son bas-monde. Elle fait les causes pour son bas-monde. Du premier jour où il met ses pieds à l'école, jusqu'au dernier jour, on lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que... Il est éduqué sur ça. Ben, le musulman, il est éduqué. Qu'est-ce que tu veux être, yom al-qiyam? Où tu veux aller, yom al-qiyam? Où tu veux aller, yom al-qiyam? Quel chemin tu veux prendre, yom al-qiyam? C'est ça qu'on doit semer dans l'éducation des enfants. Et de ces deux, on doit se rappeler nous-mêmes. Donc on doit préparer ce commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit demander à Allah azza wa jal de nous maintenir en vie, de nous garder en bonne santé pour pouvoir le jeûner. Wa ka'anni bi rajul min Ifriqiya sakinun bi Jidda. Et c'est comme si j'avais devant moi un homme, un Africain qui habite à Jidda. Il était parmi nous il y a quelques années, il est venu pour se soigner. La veille de Ramadan, il était ici au masjid en pleurs. Subhanallah. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, tonton, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, demain c'est Ramadan, et vous êtes tous comme ça, et moi je pourrais pas jeûner, je suis malade. Wallah abkana, il nous a fait pleurer, subhanallah. Pourquoi? Tellement on a vu l'amour sur lui de Ramadan, et de Qiyam, et du jeûne, et de... Il pleurait parce qu'il pouvait pas jeûner. Au jour d'aujourd'hui, tu entends certains dire, Ah, les jours sont longs. Ah, ça va être dur. Il ne dit pas, ah, on va rentrer fil jannah. Ah, c'est une occasion de relire le Coran. C'est l'occasion de se réunir avec les musulmans fil masjid, derrière un imam, d'écouter la parole d'Allah. Non, c'est pas souvent celui que tu entends. Tu entends quoi? Ah, ça va être dur en été. Hein? Ça va être chaud. Les journées sont longues. On peut pas beaucoup dormir. À quelle heure va finir Tarawih? Ah, il récite trop longuement. Ah, kada, ah, kada. Des plaintes, subhanallah. Des plaintes de voir un mois béni arriver à nous. Hada al-khudlan. Hada al-khudlan. Là, il est perdu, il est abandonné par Allah Azza wa Jal, celui qui parle comme ça. Il est perdant. Il est perdu, il est abandonné. Al-muslim yastabshir. Al-muslim yudkhiluhu surur. Hada al-qudum al-mubarak. Le musulman, son cœur, il se remplit de joie à l'idée d'atteindre le mois de Ramadan, à l'idée de la venue du mois de Ramadan. Parce qu'il a connaissance de la valeur de Ramadan. Il connaît certains de ses mérites. On ouvre les portes du paradis, on ferme les portes de l'enfer, on enchaîne les démons les plus rebelles. Il y a une porte du paradis qui s'appelle Rayyan. On y fera entrer les jeûneurs. Personne n'entrera par cette porte si ce n'est les jeûneurs. Les sa'imi farhatan. Combien de bienfaits? Le jeûneur se réjouira deux reprises. عند فطره, quand il va couper son jeûne, le jour du Eid, et عند لقاء ربه, lorsqu'il rencontrera son Seigneur, يوم القيامة. Dans ce bas monde, il se réjouit parce qu'on jeûne plus. يوم القيامة, il se réjouit parce qu'il a jeûné, quand il va avoir la grande récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc nous, on doit se réjouir du mois de Ramadan. On doit être heureux de la venue du mois de Ramadan. Encore plus que lorsqu'on gagne de la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قل بفضل الله. Dit par la grâce d'Allah, wa bi rahmati, par sa miséricorde, ou de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, de cela qu'ils se réjouissent, de cela qu'ils se réjouissent, de leur dîn, de l'islam, du Qur'an, de la législation d'Allah, du jeûne de Ramadan et de tout le reste. De cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Bien meilleur que toute cette dunya. Naam, ici on s'adresse à tout le monde, aux pauvres, aux riches, à tout le monde. وَخَيْرُ مِمَّا. Et le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé la bonne nouvelle à ses compagnons. Avant Ramadan, au début de Ramadan, قَدْ جَاءَكُمْ, Ramadan vous est venu, أَتَاكُمْ Ramadan, on trouve dans des hadiths cette annonce du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on doit se motiver mutuellement, on doit être déterminé à jeûner, on doit être déterminé à prier autant que possible, on doit apprendre à jeûner. On doit cesser chaque année de poser les mêmes questions. Tous les ans, on doit jeûner. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas une bonne fois les règles du jeûne? Pourquoi on donne pas du temps pour Allah Azza wa Jal? On s'assoit et on apprend les règles du jeûne. On vient avec un cahier, on note, on met au propre, on apprend, on mémorise, on applique, on transmet. Pourquoi poser tous les ans les mêmes questions? Pourquoi pas apprendre sa religion? Allah Azza wa Jal a vanté les mérites de ceux qui apprennent leur religion dans le Coran. Et il a montré que celui qui apprend n'est pas semblable à celui qui n'apprend pas. Et il a montré que c'est la chose qu'il fallait toujours demander, quelle que soit la part que tu en as déjà, quelle que soit la part que tu obtiens, que tu as déjà. Allah dit dans le Coran, wa qur rabbi zidni ilma, et dit au mon Seigneur, accrois ma science. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Innama yatadhakkaru ulul albab, les seuls à se souvenir sont les gens doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants. Sont les savants. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et il nous dit, alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bi khayra yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Donc ça, c'est obligatoire d'apprendre ce par quoi on doit adorer Allah Azza wa Jal. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, talibul ilm faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science est une obligation qui incombe à tout à chacun. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous enseignait, elle disait, c'est ce qui est ce qu'on doit faire au quotidien, ce qui est obligatoire au quotidien. Ça, tout le monde doit l'apprendre. Naam. la science de la ilaha illallah, la science de Muhammad Rasulullah, el wudu, ceux qui annulent le wudu, la prière, ceux qui annulent la prière, comment prier, et ainsi de suite. Le mois du jeûne arrive, on doit savoir jeûner. On doit savoir ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous dans le jeûne. Et un des points principaux, le fait de savoir que le jeûne a été légiféré pour devenir pieux, pas pour ressentir la faim et la soif. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, kutiba alaykum as-siyam, il vous a été enjoint, prescrit le jeûne de Ramadan. Kama kutiba alladhina min qablikum, tout comme il a été prescrit aux générations avant vous. La'allakum tattaqoun. Pour que vous atteigniez la piété. On n'a pas dit pour que vous ayez faim ou autre. Non. Pour que vous soyez pieux, pour que vous deveniez pieux. Car celui qui prend l'habitude dans le mois de Ramadan, ou bien qui s'éduque, qui s'entraîne à délaisser des choses qui, à la base, lui sont licites. Manger, boire, les relations avec son épouse, na'am, et autres. Ben, à la fin, à plus forte raison, il va délaisser le haram. Vu qu'il a réussi à délaisser ce qui, à la base, lui est licite. Donc, il s'est éduqué sur un délaissement. Celui qui arrive à délaisser le licite à la base, pour un mois, il sera plus fort désormais pour délaisser le haram à vie. Bi'idhnillahi azza wa jal. C'est une éducation, c'est une école le mois de Ramadan. C'est une formation. Et dans le mois de Ramadan, les gens se divisent en deux. Il y a bari al-khayr aqbil. Il y a ceux qui veulent le bien, ceux qui sont motivés, ceux qui ont compris l'importance du mois, ceux qui veulent le réussir. Et ô toi, celui qui recherche le mal, yani rebrousse chemin, cesse, arrête. Donc de quel camp on sera, dans quel camp on sera? Ceux qui cherchent le bien, ceux qui se sont préparés, ou ceux qui cherchent le mal, alors ne se sont pas préparés pour le jeûne. Et il se peut que ce soit notre dernier jeûne. Et combien ont pris l'engagement l'année passée de dire l'année prochaine je vais pas faire les mêmes erreurs. L'année prochaine je vais lire le Coran, je l'ai lu une fois, je vais le lire deux fois, je l'ai lu deux fois, je vais le lire trois fois. Combien ont pris cet engagement? C'est-à-dire combien ont regretté de ne pas avoir fait assez. Et combien se sont dit ils vont faire encore plus et meilleur et mieux et de meilleure qualité. Voici le mois de Ramadan qui arrive. Est-ce qu'on va remplir ces engagements? Est-ce qu'on va tenir ces engagements? Est-ce qu'on va réellement faire ce qu'on voulait faire? Est-ce que ces regrets vont donner naissance à des actions, des paroles? Ou bien est-ce que ça va rester des illusions à l'intérieur? Fanas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Aussi, une des plus grandes causes pour réussir le jeûne de Ramadan, c'est d'entrer dans le mois de Ramadan léger de tout péché. Léger de tout péché. Que ce soit dans ta relation entre toi et Allah, que ce soit dans ta relation entre toi et les serviteurs d'Allah. Et pour que le repentir soit sincère et accepté chez Allah, il a cinq conditions après étude des textes. La première condition, c'est la sincérité. Le repentir pour Allah. La deuxième condition, c'est arrêter le péché. La troisième, avec regret. La quatrième, avoir la ferme intention de plus retomber dans le péché. Naam. Et la cinquième, c'est de faire se repentir dans le moment où il est encore accepté. C'est-à-dire avant l'agonie, de manière particulière pour tout un chacun, et avant que le soleil ne se lève de son couchant pour l'ensemble. Ça, c'est si c'est entre toi et Allah. Mais si c'est entre toi et la créature, ça c'est relatif au droit d'une créature, tu dois lui rendre son droit. Et les pieux prédécesseurs entamaient le jeûne en s'excusant, en se corrigeant, et en restituant le droit de celui qu'ils avaient peut-être opprimé. D'aller voir la personne à qui on a peut-être fait du mal, de s'excuser, de rendre le dépôt, de se corriger, de ne pas nuire à autrui. Tu rentres dans Ramadan, le cœur léger de péché, de mal, de discorde, d'inimitié envers tes frères. Wa hakadha, barakallahu fikum. Wa tawba falah wa najah wa khayrun kullu. Et le repentir, c'est une réussite. C'est un succès. Na'am. Et tu es toujours gagnant à te repentir. Celui qui fait le péché, même si en apparence tu peux penser qu'il prend du plaisir, et qu'il a déjà l'argent haram, de la drogue, de l'argent de la vente d'alcool dans son épicerie, ou de cigarettes, dans son bureau de tabac, ou de viande pas halal dans son restaurant, ou bien de vol ou autre, ou de riba ou de prêt avec intérêt ou autre, sache que il est malheureux en lui. Et sache que sa finalité sera le malheur s'il ne se repent pas. Sache également, en opposition à cela, que celui qui obéit à Allah et qui fait des hasanat, sache qu'il est toujours gagnant. Même si en apparence tu le vois triste, même si en apparence tu le vois dans la pauvreté, dans la difficulté, sache que Allah met dans son cœur un sourour, la joie, le bonheur. Un bonheur et une joie à laquelle n'ont pas goûté tous les gens des péchés si on réunit leur bonheur ressenti au moment du péché. Naam. Les gens du péché, leur bonheur, il est éphémère. Et il est suivi d'une amertume. Il est suivi de punition, de diminution des bienfaits, de maladie, de châtiment, sauf si Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Celui qui est dans les hasanats, cette tristesse-là, elle dure quelques jours, quelques mois, quelques années, et lui succède un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Dans un paradis vaste comme les cieux et la terre, où il aura tout ce qu'il veut. Voilà, mamnoua. Il n'y a aucun interdit, fil jannah. Un homme a entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, enseigner cette croyance, et il lui a dit, ya Rasulallah, hal fil jannati min khayl. Il lui a dit, est-ce qu'au paradis, il y a des chevaux? Et lui, il aimait beaucoup les chevaux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, in dakhalta jannah. Si tu rentres au paradis, tu auras un cheval fait d'émeraude. Naam, fait d'émeraude. Il aura des ailes et il t'emmènera où tu veux, fil jannah. Un bédouin, lui, il aimait bien les chameaux. Il aimait beaucoup les chameaux. Il a dit, ya Rasulallah, hal min ibil fil jannah. Ya Rasulallah, au paradis, est-ce qu'il y a des chameaux? Subhanallah. Tout ce que tu veux, fil jannah, tu l'auras. Même le fruit, la branche s'abaissera, tu consommeras le fruit. Puis tu vas vouloir un fruit, on va te le donner le même en apparence, mais il aura un autre goût. Wa utu mutashabihat. Subhanallah. Tu vas manger de la viande. Tu vas boire des boissons. Naam. Tu auras les épouses. Tu auras tout ce que tu veux, fil jannah. Tu vas marcher sur un sol de za'faran, de safran. Le kilo, il est plus cher que le kilo d'or. Tu auras des vêtements. Tu manges, tu bois, tu ne défectes pas, tu n'urines pas. Il y aura des arbres au paradis, ils sont faits de troncs d'or. Et sur les branches, il y aura des vêtements de brocart. Et tu auras à te vêtir de ce que tu veux. Tous les troncs d'arbres, ils sont faits d'or. Subhanallah. Il y a au paradis un arbre dont l'ombre dépasse 100 ans. Yani, dont l'ombre ne sera pas dépassée par le cavalier qui parcourrait 100 ans sur une monture rapide. 100 ans sur cette monture, s'il avait fait cela, il n'aurait pas dépassé cette ombre. Allahu Akbar. Les gens voyagent du monde entier. Vous savez, la rue la plus visitée au monde, c'est laquelle? À deux pas d'ici. Les Champs-Élysées. Allahu Akbar, les Champs-Élysées. Ils viennent du monde entier, d'Asie, d'Amérique, de. Tayyib, l'ombre de la tour Eiffel, tu la dépasses en combien de secondes? Ils viennent du monde entier, ils dépensent, kada wa kada. Naam. S'il y avait eu cet arbre-là, fit dunya, 100 ans pour dépasser son ombre, les gens seraient venus d'où? Subhanallah. Là, c'est un bout de fer. Allahu alam la fa'ida. Certains y trouvent une utilité, Allahu alam. Peut-être qu'ils ont une intelligence qu'on n'a pas encore connue. Naam. À la kulli hal, pour vous dire, fil jannah, il y a tout. Tout ce que tu veux. Il y a des ruisseaux, il y a des rivières. Naam, il se peut que la femme dise à son époux, emmène-moi au lac. Emmène-moi au parc. Et lui dit, mashroul, je suis occupé. Naam. Et elle dit toujours t'es mashroul. Et les enfants disent, abi, toi toujours t'es mashroul. Naam. On apaise cette servante endurante, inshaAllah. On apaise ses enfants endurants, inshaAllah, après s'enjoindre mutuellement la crainte d'Allah Azza wa Jal et de donner à juste mesure à la famille, on les fait tasliya, on les réconforte de par cette annonce. Au paradis, il y a des ruisseaux. Il y a des ruisseaux, il y a quatre types de ce qu'on a su dans le Coran. Il y a une rivière de miel. Subhanallah, vous imaginez? Une rivière de miel, il n'y a que du miel dans la rivière et elle coule. Allahu Akbar. Il y a une rivière d'eau, jamais malodorante. C'est pas comme yani l'eau qui reste longtemps stagnante dans quelque chose, ensuite elle change, non. Il y a une rivière d'eau, de lait. La grandeur de cela fait que ma langue elle suit plus, subhanallah. En plus de la fatigue et de la défaillance humaine et personnelle, de lait. Et quatrièmement, écoutez bien, une rivière de vin. Ou bien on va dire, na'am min khamr. Comment est-ce qu'on traduit? D'alcool ou de vin? Na'am, de vin. Mais un vin qui n'enivre pas, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a fait. Et tu auras à en boire sans être enivré. C'est pas l'alcool de ce bas monde. Ensuite, la personne, elle fait des bêtises dehors. Non. C'est lui qui boit de l'alcool dans ce bas monde. Le prophète dit, non, il ne boira pas le vin de l'au-delà. Falhamdulillah la di'afana mimabtalahum. De tout cela, yani, tu pourras contempler, tu pourras boire, tu pourras te servir. Tout cela s'obtient avec le siyam. Tu fais siyam, tu jeûnes, tu fais des efforts, tu lis le Coran, et ensuite tu as ça éternellement. Subhanallah, c'est pas le parc de la Courneuve, le parc de Kaza, le parc de Kaza. Fil Jannah, tu es au paradis. Naam, mais il n'y a pas, on rentre, il est trop tard, on doit faire ça, la vaisselle, laver les enfants, l'école, la révision, il n'y a pas ça. Subhanallah. Ils ont dit à l'imam Ahmad, jusqu'à quand la fatigue? Il a dit, jusqu'à ce que tu poses ton premier pied au paradis. À ce moment-là, il n'y a plus de fatigue. Non? À ce moment-là, il n'y a plus de fatigue. Mais il y a le consensus des doués d'intelligence que le repos ne s'obtient qu'avec la fatigue. Mafhoum? Le repos, non? Ne s'obtient qu'avec la fatigue au préalable. Tu veux te reposer? Non? Tu veux une retraite? Faut que tu travailles. Tu veux plus payer de loyer? Faut que tu travailles dur pour construire, pour acheter le terrain, pour construire, et ensuite seulement tu peux te reposer de la mazal ijar, du loyer. Naam. Tu veux savoir psalmodier le Coran convenablement? Faut que tu te fatigues, tu t'entraînes, tu lises, tu répètes. Et ainsi de suite. As-siyam, il faut le considérer, il faut étudier. Il faut connaître sa valeur. Si tu jeûnes, et on accepte ton jeûne, tu rentres fil jannah, incha'Allah. Allah azza wa jalla min fadli. Les conseils sont très nombreux, ils sont reprodigués au fur et à mesure des jours, incha'Allah ta'ala. Et on observera, si on voit la nouvelle lune, à ce moment-là, le tarawih aura lieu, si je ne me trompe pas, samedi. Et dans le cas contraire, dimanche. C'est bien ça? Inch'Allah. Et dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, il y aura des durous. Naam, il y aura des cours qu'on dispensera. Et aussi on attend la venue d'un shir, Inch'Allah ta'ala, le 9, le 10 et le 11. Bi'idhnillah Azza wa Jal, il va venir ici. Naam. هذا هو وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك